Frère Paradoxe, il n'est pas à présenter dans cette assemblée. Ndugu Paradox ana wa kuonyesha tena muhimu mkutano. Je crois que peut-être 1% ou 2% njoo ba mfamie. Ngine tu ni moja kumia njoo ba mbuye kinikonesa. Et c'est pour mufuraha kumpokelea na kumsalimia mjina Bwana Yesu Kristo. Et vous dans la joie de le recevoir au nom du Seigneur Jésus Christ. Busubuisa turona na ndi moja sima tuko na njala sana. Le matin quand je nous on s'est vu, je lui ai dit nous sommes vraiment affamés. Afan nguvu biloko ikita. Et afgir qu'il fasse de son mieux pour que les choses descendent. Ça va, nous vous invitons. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a la joie? Et tu peux vous pousser le cri de joie. Que Dieu vous bénisse richement. Vraiment, je suis dans la joie. On voit des bonnes choses comme ça. Je vous ai laissé là-bas. Vraiment, aujourd'hui, pour moi, c'est la joie. Et il faut faire encore de bonnes choses comme ça. Mardi, on va aller au ciel. Et nous devons laisser des traces ici sur la terre. Quand Enoch fut élevé, il a laissé des témoignages sur la terre. Et faites effort pour terminer cette histoire. Et Dieu vous bénira beaucoup. Dès que vous terminez, et on prie pour vous, vous verrez vous-même. Dieu n'a jamais menti. Et la Bible dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Les frères du Congo central, précisément chez nous en Bakankosi, les frères Kaka de Kinjau, de Sanda, les frères Tamba de Kinjau, les frères Patrick de Lufu, les frères notre pasteur berger Diankeba de Matadi. Tout vous a salué dans le nom de Jésus-Christ. À Kinshasa, notre bien-aimé frère berger Sam Kitoko. Et avec toute l'église, lui aussi, on vous a envoyé des salutations au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à juin, vers la fin. On était à Kalukuluku. Chamalale, Karavia, Luano, on était à... Quand vous passez Lubumbashi, la ligne de Kasumbales, Kanyaka, Kifukula. On était à... Kasumbalesa. Nous étions à Sodi. Nous sommes allés à Mukambo. On était à Sakanya. On vous a salué dans le nom de Jésus-Christ. On était à Kolezi. On était à Lualabapo. Ici à Fungurume. Ici à Luambo. Et à Kipush. Tout vous a envoyé aussi des salutations au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je viens de Mampala. Le berger du Mampala, notre frère Kazadi, et son associé Kaka, et l'ancien Eugène, avec tous les saints, vous envoyez des salutations au nom de Jésus-Christ. Moi-même et ma femme, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va commencer avec un petit repas. Mais je veux que vous invitez les gens. Moi, je ne prêche pas les bancs. Si vous invitez pas les gens, c'est qu'on va vous rebaptiser. Parce que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, c'est une arête générale. Celui qui va aller au ciel doit être prêt. Et que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, nous prions et nous commençons, avant de commencer la lecture, chacun de nous doit prier. Prions. Notre bien-aimé Père Céleste, Mupendo wa Baba yetu aliye mbinguni, auteur de la vie éternelle, mwanzilishi ya uzima wa milele, c'est toi Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Niwe Mungu wa Ibrahimu, Isaac na Yakobu. Notre Père, Baba yetu, nous sommes réunis dans cet endroit sacré, tunakusanyika muhifadhi takatifu, au nom de ton fils Jésus Christ. Mujina ya mwana wako Yesu Kristo. Il est écrit. Imeandikwa. Là où vous serez de trois, mon nom, je serai là. Nous croyons de tout nos cœurs que tu es au milieu de nous. Ya kwamba uko pamoja nasi. Et si tu es avec nous, Seigneur, na kama uko pamoja nasi, Bwana, que nos péchés soient pardonnés. Mazambi yetu isamehewe. Si tu es avec nous, Seigneur, ukiwa pamoja nasi, Bwana, que ceux qui ont besoin du salut, donne le salut. Si tu es avec nous, que les malades soient guéris. Si tu es avec nous, ceux qui sont liés soient délivrés. Nous chassons tous les esprits méchants. Tous les esprits qui ne voulaient pas que nous confessions ton nom, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, demandez, on vous donnera. C'est pour ça que nous te demandons, donnez-nous ton Esprit Saint d'être avec nous à la chair jusqu'au dernier pas. Parle-nous, Seigneur, en lisant ta parole. Viens toi-même pour nous enseigner. Brise nos cœurs et accorde-nous la foi, la révélation, l'obéissance et la crainte. Nous le demandons par la foi, du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons la Bible. Tufungule Biblia. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Tukumu Matayo. Matthieu chapitre 24. Makumi mbiri na ine. Et au verset 42. Na makumi ine. On peut s'arrêter à 43. Tutaishimamia ku makumi ine na tatu. Écoutez ainsi dit le Seigneur. Mushifuateni hivi Bwana anasema. Veillez donc. Kesheni basi. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Chassez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit, kama mwenye nyumba alijua asema ni saka ni abushiku, le voleur doit venir, mwizi atakuya, il veillera, atakesha, et ne restera pas persi sa maison. Na astaacha nyumba yake baibomone. C'est pourquoi, njo kwa mana, vous aussi, mwena mweye, tenez-vous prêts. Mwe tayari. Quand le fils de l'homme viendra, atakuya, à l'heure, vous ne le passerez. Muyu, mu wakati ile mwa muta iwazia. Dieu bénisse cette écriture. Mungu abariki et asoyons-nous. Na tuikale. Bien-aimé dans le Seigneur. Mapendo ndani ya Bwana. Nous avons un petit sujet. Tuko na tungo kidogo. Que nous voulons commencer ce soir. Ili tunapenda kuanza imangaribi. Et dans notre sujet. Na mukishina yetu. Il y a une question qui est posée. Et chacun de nous doit donner la réponse. Na kila mmoja anapasha kuleta jibu. Ici, nous regardons apa, à partir du verset 42. Tukuna angaria kuanzia pa mustari ya makumi ine na mbili. Celui qui parle ici, ule kuna sema apa, ce n'est pas Moïse. Aiko Musa. Parce que nous connaissons, c'est Moïse qui commença à écrire les cinq livres de la Bible. Ce n'est pas même Samuel. Ce n'est pas Isaïe. Ce n'est pas même Jean-Baptiste. Ni Branham. Qui que ce soit Frank, Yukoi Frank, que ce soit Ngoindai, Yawe Ngoindai, ni moi qui est devant vous. Voilà, la mi yu, mi gumbeli. Mais celui qui parle ici, lakini ule wanasema hapa, c'est le Seigneur. Ni Bwana. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni kweli? Mais je dois vous montrer quelque chose. Lakini mina pasha ni miambiego kitu. Le Seigneur ne peut pas mentir. Bwana, hawezi kulanda. Jamais. Kamwe. Notre Dieu, il dit que la vérité. Mungu wetu, yeye anasemaka paka kweli. Parce que tous les prophètes ont témoigné de ça. Banabi bote, bari. Quand nous prenons ici un nombre. Wakati tukibeba muzimu hesabu. Nombre 23, à partir du verset 19. Écoutez ce que dit cet homme de Dieu, quand il avait l'inspiration divine, dino de Balaam. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non, lui ne peut pas mentir. Ni fils de l'homme pour se repentir. Il ne peut pas faire quelque chose pour demain. Viens encore demander pardon. Ce qu'il a dit, ne le fait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le exécutera pas? C'est là que je dois vous attirer attention. Il n'est pas le seul à parler. Il y avait un prophète Samuel. Lui aussi par l'inspiration. Est-ce que vous connaissez Samuel? Vous le connaissez? Écoutez 1 Samuel chapitre 15. À partir du verset 19. C'est lui qui a la force d'Israël. Ne ment point. Et ne serait pas point. Car il n'est pas un homme pour se repentir. Kwa sababu ana mtu juu ya kutubu. Akosakate. Ashilandake. Pe abongo la mutema te. Na ashigeuzake mwa. Yesa na kama beti. Ye ashifanyake bibaya. Amen. Amen. Et Paul aussi. Na Paulo naye. Na Nouveau Testament, apôtre des nations. Quand il écrit l'être pour Tite, nous sommes à Tite chapitre 1. Et au verset 1 encore. Écoutez ce que dit Paul. Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et à la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise de les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Alléluia. Amen. Ye akosakati. Ye yashilandake. Alobaka kaka sol. Anasema kapaka kweli. Même Esaïe aussi a témoigné. Ata Isaïe naye arishidi. Prenez Esaïe 46. Isaïe makumi ini na tout cela pour vous attirer attention. Yote lenjwa kwa kokota angalia. À ce que Dieu va parler ce soir. Kwa ile Mungu atasema imangaribi. Oui, bien aimé, ouvrez directement, hein. Ici Esaïe 46. Umu mu Isaïe makumi ini na sita. C'est là. Au verset 8. Écoutez ce qui est dit là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Souvenez-vous de temps. Souvenez-vous de ces choses. Non, Esaïe 46. Vous êtes là. Prenez verset 9. Souvenez-vous de ce qui est passé dès les temps anciens. Kumbukeni bile bilipitaka tangu wakati ya zamani. Dieu voulait nous rappeler. Mungu alipenda kutukumbusha. Ce qui était passé au temps ancien. Ile mambo ilipita kana kama wakati ya zamani. Lui n'a pas des choses nouvelles. Ye ana na mambo ya sasa. Souvenez-vous de ce qui est passé au temps ancien. Kumbukeni bile bilipita kana. Je suis Dieu. Kwa sababu niko Mungu. Il y a point d'autre. Na hakuna mwingine. Je suis Dieu. Niko Mungu. Et ni est semblable à moi. Na hakuna mmoja ananifana. J'annonce dès le commencement. Na nsiaka hapo kutangaza. Ce qui doit arriver. Mambo itafika juma. Et longtemps d'avance. Na zaidi mbele. Ce qui n'est pas encore accompli. Na ile hayafika. Et je dis mes arrêts subsisteront. Na niko nasema maagizo yangu itadumu. Alléluia. Amina. Alors, il y a Yako sunganga pesa kombo kuya unisaidie ufanye ulete manjina ada pesiba kombo nyoso tozobing ada na leta manjina yote tunikala tukunaita meme kombo ya mwashi adane motapesa ada yenye njina ya mwanamke ni adam jwari leta tango njamba alalisi wakati Mungu alimlalisi abilisi mpanzi anatosha mgeo asalele mwashi alamwishi alobi mbala oyo asema hii na moni misuni ya misuni minaona ni mnyama ya mnyama ya Mungu na yeye nakubenga hii mwashi anjomba le batamuita sema mwanamke ba kombo nyoso adane motapesa manjina yote ni adane jwari leta eglise bola nanga kanisa mko nafuata bialo bio moni anasema sasa mnaona na pesa huko konji ya nyoso mimi nafanya huko kwa chefu wa biote menjeto sa lakini imuchi ada tala bia ada angaria bia ada batala ada angana ni angaria ndei peto tala lelo paka hivi na shiti tala mkango boy basi angaria angaria mambo tozo tala tuko na angaria yango biblia lobi bazana miso na biblia me bazomona beko na macho lakini baone ada tala ada na angaria obi mwakokolea mbuma ya njeto ase shiku tu utakuria ntunda ya hii imuchi esirio kuna kuisha utakufa Adam ndima mene ndeto ndima kamene. Adam arisimaka amina. Paka hivisha tunasimaka amina hapa. Nzambake. Mungu anapa. Na pokwa njamne azuia. Na pale wakati Mungu anakuma. Kutala Adam. Kumbele Adam. Nzambe azuia. Mungu anakuma. Aya kutala Adam. Ena wako mtengbele Adam. Sheka Adam zaki na vale. Ni kusema Adam alikuwa na bei. Aleluya. Amina. Nyoka siliki donke sata siliki shetani anashirika alobi koma anasema je tu tuvanaga naye hawa tunikalaga naye hapa siku yote meke kozwa mwa moto ya suka huyo anaenda kupepa huyu wa mwisho ana mkunji ya milo anamfanya anakuwa chef ya hivi vitu vyote pia saini ya jardin nene tena anamfanyia jardin atungi miloko ya bien anamfanyia na mweka na fish pintu ya bien ce n'est pas possible ah abiwezekani Ifona kende kochena mubulu. Inapasha nyende paka nikamwe. Pe mubulu ya Adam. Na kitu nguvu ya Adam. Isalaki na nini? Ilitokea wapi? Na malinterpretation ya parole. Kutafsiri kubaya kwa neno. Tango yami ndimbola mabaya liloba. Wakati unapata unapokelea ile amini. Esili kunaisha. Aleluya. Amen. Mai yamboyo fya yelingai. Ima iba niletea kukunduku. Oye zari poison. Iyi ni poison. Batia ka poison quantité belete. Aba weka ke poison ya mingi. Poison bazwa kagali tangamuke. Bana bela le poison bana bishimu manyo. Jo inaribisha mai yote. Yango pola lobi impende leve. Jo kwa maana wanasema salve toute la patte. Inekala inafanya mbuzi. Tala ka jardin de dede. Mwangara mu jardin de dede. Eloke bomi mokili. Mambo iliharibisha. Ndio ilo bayanza me balingoli tangamuke. Neno la Mungu bari onkeza mtu kaloko. Bomoni bibembe partout. Munona sasa matumba kama bitumba. Basi basogota na pasi. Bado wanaanza kukuzaa kubanamke bana zozana. Tunakulia na motoki. Tunaanza kulia na kukua chachu. Nyoka maboko na makole kenda. Tuna mikono na mikuli hiyo yote bila. Ezaki kaka ina loko ya muke. Ilikuwa tu nikachi. Santa bunyali lo banyoso te. Shetani ashukeke neno. Mbona kisa kaka muke? Yango la Biblia ni na juterie. Mushongeze kitu. Ni retrancherie. Wala msitoshe kitu. Njamba kosakati kwa sababu Mungu yeye alandake kamwe mokolo adalia ushiku tu ndada madama ngana basere ya kambo banduku na bandada bakukambo esila kika mokolo urishiria pa pepo tanga na bib magatao na biblia lo mina biso enju repana njambe shiku mokolo za mila kumbele ya Mungu ikusawa miaka tala ni historia bib angaria itano ya hadithi ya bib ada koma milad kaeka Adam anakuwa mungu njambe akosakati kwa sababu Mungu ashiglanda ine pa l'hôtel du mensonge yeye ashikalake mwanzilisho l'hôtel du mensonge kwa sababu ula nanzaka c'est le diable ni shetani utala makambo ile kakawa sasa mama angalia mama abeni noe alabi noa anaita zongo mamokili hata mio niko na sali mokili na ngai mimi nifanya dunia yangu ni kinumba ya mikoloi lakini bushara tu kwa hiyo wakati zongo mamokili miko naribisha dunia yesu kazozwa decision yeye kama anabeba tumba hatuna kamoto te yeye shuliza ke mtu Frère, t'as tout ça les rarités. Hapana kufanya nkosa nduku. Mayele na biso. Mawazo yetu. Bambongo na biso. Mfeza yetu. Boshi na biso. Maribu matajiri yetu. Ekosegiri nzambe te. Yo ayuwezi kumtongoza Mungu kamwe. Ndo atuna kamotorie. Yeye ashughulizake mtu kintu. Noé a zoka makambo serie. Noé a rebeba makambo na serie. Lokola moto akosakati. Lakini mungu mungu. Na moni makambo salaka na jardin de Eden. Mungu makambo refanyeka mu jardin. Yena Adam azaki na ba relation. Yena Adam. Me erinyo sa zoya utala da. Me wakati yena Adam. Me tango Adam desobeyi loba. Wakati tu Adam. Asundoli Adam. Yena na mfukusha Adam. Daisona sekani na liloba. Sasa kama mina mimi na chesa. Na hata nifukusha. C'est pour ça moi je pose la question. Mes frères, vous le savez, que ce soit vous les serviteurs de Dieu. Combien de paroles de Dieu que tu as piétiné? Malangapi maneno ya Mungu urifinyanga. Ada piétiné ka moko. Ada ya rifinyanga moya. Njambe abwa kisaki. Mungu anamtupa. Yo piétiné combien? Sasa wosho kufinyanga kufinyanga. Est-ce que tu marches toujours avec Dieu? Na ule est-ce que ngana ngari natembea? Tala danger ozana yango. Unaona ile hatari ule. Bienvenue dans le Seigneur. Mapendwa ni ndani ya Bwana. Yo kali loba yansa. Sikia sikia. Itari veta dernière prédication c'est aujourd'hui. Inezi kufika sema mvili ya. Examine vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Juu kama uingari muimani. Le Dieu de autrefois. Mungu wa zamani. C'est le Dieu d'aujourd'hui. Jo Mungu wa leo. Il n'a jamais changé. Aya badilika. Et il ne mentira jamais. Na hata landaka kamwe. Noa jama kama seri. Noe arbeba kama mbo na seri. Atonga masu. Anayenga isafiri. Abenga batu baboya. Anaita bantu bantu barakatala. Mwasine na bana bakota. Bibi yake na batoto yake baringa. Beta kelelo. Na wakati bana pilulalamika. Banyama baia. Banyama bo barikuya. Batu baboya. Bantu lakini bo bana katala. Ilelo kelelo musu pezo beta. Leo tena parapande kwa rini. Ilani mesaji tande la fe. Ujumbe wa wakati wa mwisho. Yaka okota na l'arche de Christ. Kuya ingia musafina ya Kristo. Et l'arche de Christ c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Na safina ya Kristo ni mwili ya Yesu. Yango tuzubenda bino na njela ya repentance. Njoko mana tukune mita munjia. Na njela ya convertition. Munjia ya kugeuka. Et être baptisé et entrer dans le royaume. Na kubatiziwa na kuingia. Ipe c'est toi qui es le dernier. Inezu kufika wenzo wa mwisho. Et voici le temps de Dieu. Na tazama wakati. Na lingina la kisabino. Mina penda njela. Njanga na kosakate. Yango mwemi ya sangu na biso. Frère Nam, ayekolo banalité au large. Il dit ceci. Au paragraphe 15. L'âge un type de Christ. Il dit ceci. Je sais que lorsque le Seigneur promet quelque chose, il accomplira ce qu'il a promis. Vous voyez, il est obligé de le faire. Pour être Dieu, il doit tenir à sa parole. À cause de veillez donc. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que toi tu veilles? Akosagate. Yes, ilandaki. Alobi veillez donc. Anasema kumbi mukeshi. Est-ce que toi tu veilles? Sasa wewe unakeshaka? Paya akosagate. Juu ye ashilandaki. Ili veillez donc. Anasema mukeshi. Même tu chantes. Sasa hata kama una tu dois veiller. Unapasa kukesha. Même tu prêches. Hata kama una tu dois veiller. Unapasa kukesha. Même tu soutiens l'œuvre. Hata kama una kaifanya kazi, unapasa kukesha. C'est lui qui a dit, c'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ni kweli? Dites amen. Museme imamina. Est-ce que tu veilles? Est-ce que unakala unakesha? Omon. Unon. Utambula na desordre. Huko natembea tu mfujo. Usekana na njambi. Huko nafahamizana na Mungu. Akomi moninga nayo. Anakuwa rafiki yako. Utambula na desordre. Maana huko natembea mfujo. Usala musala ngondegeni. Huko nacheza mungu nafanya kazi. Usala ngondegeni. Huko nakuyo kuna namna kani. Veillez donc. Kumbi mukeshi. Puisque vous ne savez pas. Quel jour votre Seigneur viendra. Bwana wenu atakuja. Celui qui vient c'est notre Seigneur. Ule kuna kuya ni Bwana wetu. Le jour qui viendra. Shuko atakuja. Personne ne le sait. Hakuna mtu anayu. Et s'il vient la nuit. Na kama sasa anakuja usiku. C'est là que moi je me pose la question. Ndio sasa pale mimi uneruliza ulizo. So ki Seigneur aye na butu ya. Kama Bwana anakuja usiku wa leo. Siko yoko sala ndeni. Sasa we utafanya je. Balobi balobi ozoyo kati. Banasema banasema wao shikia. Umesani na paro. Unasiki unaizobeleana na neno. Siko soki aeka na butu. Sasa kama nakuya tu ibushiku. Usiko soki ayena butu. Sasa kama anafika bushiku. Siko yoko sande. Sasa wewe utafanya nini? Idi chasse le bien. Asema muiue mzuri. Chasse le bien. Muiue mzuri. Le maître de la maison. Kama bwana wa nyumba. Savez quel est de la nuit? Arijua ni. Que le voleur doit venir. Bushiku muisha tapu. Il ne dormira pas. Il doit veiller. Anapasha kukesha. Et quand il prêchait, na wakati alikuwa anahubiri, c'était à Jérusalem. Il était à Jérusalem. Devant ses disciples. Mbele ya wanafunzi yake. Il a pris sa main droite. Na alibeba mkono wake wa kuume. Il dit vous aussi. Anasema na mweye. Tenez-vous prêt. Mkwe tayari. Puisque vous ne savez pas. Sababu mujui. Quel jour votre Seigneur vient. Siku kani bwana wenu atakuja. Et le message de ce soir. Na ujumbe wa magharibi. C'est une question. Niulizo. Il dit vous aussi. Asema mwe na mwe. Tenez-vous prêt. Mwe tayari. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ni kweli? Es-tu prêt? Sasa uko tayari? Le message na biso. Ujumbe njoo yenye ujumbe. Tangula nango partout. Mimi nashunguruka nayo fasi yote. Ezakilo bina Lumumbashi. Nilikuwa jana ku Lumumbashi. Lele komi na Kambove. Sasa leo inakuwa Kambove. Eti pre. Eti uko tayari? Shoki Jezi aye. Kama Yesu anakuja. Kaka na popa ya lelo. Paka tunalongite. Hapana kesho. Kwa yalo kwa boyipi. Na anaweza atakuwa atakuwa samuishi. Yoko ke. Wewe utenda? Utala ete. Hapana kumwangalia mwingine. Hiyo pe kotala ite. Wewe na hapana kumwangalia. Kota pase. Usimwangalie pasi tu yera pana. Tala ngai. Usinyangalia tamini. Ngai nde sente sio azulu. Mi ndio mwiro. Uzapre. Unaulizia. Kwa sababu ngola ye. Kwa kama bwana nakuja. Toba ndakana ndako na binu. Kuanzia mbele paka munyumba yeye. Hiyo mwashi. Wewe mwanamke. Na mobali. Na boyoka na kate. Atusikilizane. Bible sie loba. Kwa ya kosa kate. Kwa sababu ni kanda na binu. Asema eko makana pokwa. Asema kashirani yeye. Hiyo mkotala na kanda na ekomi miko. Sasa mweye sasa makasirani yeye anakuwa mashiko. Umimishi ya mwanguki nokuta. Sasa Biblia inasema ndio kubwa. Mbala ngozo inao yayo. Bwana ule unapenda ni wapi? Usali simwa. Munafanya simwa. Banshe balobi. Balobi. Balembi. Pona bolamu nayo. Nolobia zose la Yesu. Me wewe unacheza. Awe zo bina. Bwana ipeleke. Bwana ipeleke. Unacheza unacheza. Ozoze la ye aya kosala ni. Uko nachunga ye akuya kwa kwa. Luwe luwe. Ozoluwe. Ozoluwe sata. Unaluwe luwe. Shetani uwe na mduweshe Mungu. Yangwane kwa za pre ya mwana. Joya nasema utakuwa tayari. Amen. Amen. Omwebe vanti yosa. Munaona mambo. Kika mavanti Yesu azoi. Acha ile mavanti yoku nafanya. Ako kiko yalo kola moyibi. Anisi kuwa kama muishi. Ndoga tozeza masekite. Banda mlima okola kate. Ashi awa ukome yake. Banda mlima okola kate. Tangu raza kuriaka ukumi au ukome yake. Depuis qu'il a crié, tangu uriamini. Inaria la croissance. Asikome hapana. Amen. Amen. Banda banda wana tangu rikalaka pale. Il y a des gens qui ont fait même 5 ans ici, ils n'ont pas encore été baptisés. 5 ans, abaya babatizako. On me sani na parole. Unazobeleana na neno. Soyez prêts. Kuwa tayari. Jésus revient bientôt. Yesu kunarudi sasa hivi. Il viendra comme un voleur. Atakuwa kama mwizi. Taba vantirosa. Angara mavantiri loko na michezo kunafanya. Bando zana conflit na mwashi. Tangu ulikuwa mkosana. Mwashi mwema na bana ya buti. Hata na vile de ses entrailles. Mtoto ya mtumbo yake. Bovandi ya boyoka na kati. Muneka lapa amusikiliza na kati. Yemisha na boyoka na nena lola. Sasa unyoneshe mutasikiliza na kumbingu. Siko na lola po boyoka na nani ako zana ministère ya réconciliation. Parce que Jésus il était venu avec le ministère de la réconciliation. Et quand il est venu avec ce ministère, quand il est parti, Jésus n'a pas parti avec le ministère de la réconciliation. Il nous a donné ce ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Bolandi, muna fuata. akenda na ministère de réconciliation atika kwato réconcilier batu yeye arshuka Corinthiens chapitre 5 il nous a donné le ministère de la réconciliation. Voici l'état de se réconcilier. Tazama sasa wakati ya kupatanisha. Et celui qui est prêt d'être se réconcilier ce soir. Anapasa kupatanishwa ni hapa sasa. Hii mangaribi. Na hiyo lobio zo kende. Sasa waseko kunaenda. Tala vio zo mene. Sasa angaria maisha yule kunaishi. Est-ce que c'est bon ici vina? Unaisha kubadilisha maisha. Kubazo lobo zo yo kati uzati pitu. Uku tukichwa ngufu. Tanengo zo cha vino na danji. Angaria tu namna uwe mwenyewe unafanya maisha yako yakuwa mwatari. Mwishigo shocking kolaye. Sasa bwana kati. Anzambe. Sasa itakuwa ni nkosa ya Mungu. Makambo yozo sala. Mambo ilo kuna. Yomoko za temwe. Uwe mwenye njo kumushuda. Suki tomemio na bibi. Kama tunakubeba mwenye. Uzo kumpare na nani. Uwe sasa batakubulinganisha na nani. Potoka na kundima kaka moko. Njuu tunakala na kubo kuamini tuku moe. Esprit moko. Bro, iku moe. Imani moe. Moko. Nata mbatizo moe. Bo esprit uzana ya moe. Sasa, we ile roko. Na Biblia kukani na nani. Na mumbiblia nene ine ya nani. Uzana te, mutobo kukani na Biblia. Ah, unyoneshe sasa. Mshiko yu moto na zangambo ya nzambe. Sasa, ubia zangambo ya bana kaya. Au, uku ngambo ya bana. Kwa yesu azoya, kwa zangambo ya nzambe. Kwa sababu ya takuwa ni kubeba batote ya Mungu. Amen. Amen. Vous aussi, mwena mweye, tenez-vous prêt. Mkwe tayari. Es-tu prêt? Est-ce que vous tayari? Luc, Marc. Marco. J'ai le problème de la vision ici. Niko na mambo ya kuona. Lunette, l'unité vraiment est partie. Ma unité ya ma lunette. Celui qui peut lire, prenez Marc chapitre 13. Marco kumina tatu. Commencez verset 32 à 33. Vous voulez manger? Kula. Je vous souhaite bon appétit. Qui peut lire? Marc chapitre 13. Marco kumina tatu. Prenez verset 32 et 36. Qui Marc chapitre 13. Marco kumina tatu. Versets 32 et 33. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia! Amen. Ndambe akosa kate. Mungu ashilandake. Tozui ba témoignage. Tunapata maushuda. C'est la vérité, non? Ni ishini kweli. Ba frère oyo ya seconde veni. Sasa aba banduko aba basi bakutoke kwa pili. Ba mbona injuru Jesus aya. Asema baba na yua siku Yesu alikuya. Na nenge totaje ekritio. Sasa kufuata tunana vile tunaona andiko. Est-ce que balobi vérité mbe bakosi? Est-ce wanasema bya kweli au banalanda? Bakosi. Shibanalanda. Yo za bateme kuna. Sasa wewe ushipata batizo. Oza parmi babuki lokuta. Huku katikati ya bale ba mbakulanda. Mbakulanda. Ifo bandela. Ifo wanzulule. Je n'ai pas le père du mensonge. Mungu ana baba wa. Même vous qui êtes aux étrangers. Ata pale umwe bale ku. Si tu es baptisé dans la fausseté. Kama bari kubatiza mungu. Je ne te donnera pas le Saint-Esprit. Mungu asta kupatia Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit. Il est toujours dans la vérité. Iko paka ndani ya ukweli. Alobi na likango etali R. Anasema mungu wakati inaangalia saa. Nathan. Wakati moto mwa yebite hakuna hata mtu mwana yua banje ba yebite ba malaika ba juu yeye Jesus ayebite mwenye Yesu asijue mais c'est le père qui compte ni paka baba analiua donc Jesus atakoya kozwabiso nikisema wakati atakuya yeye Yesu yeye tatako lobaka terena kenda yeye baba atasema alilamuka wewe et comme il est l'enfant obéissant sasa sasa hivi yuko mtoto il obéit il vient mais il ne connaît pas l'heure mais lakini Yesu le père le dira ile baba atamuelezea asema wende mebino boye byangu boye bindenge sasa mwa asema mnayua je. Eh ben, yébisi yo, oujou sa la ba blague. Kou na chèze, kou na famiza. Oh, yesu azo ya. Wodeabdapo yesu kona kuya. Makambo Biblia lobaki. Ile mambo Biblia. Tokotala ngana bino kura sebe. Utangaria mwakati azima. Makambo profeti pe ya miso alobaki. Natabu mnabiwa tupala isema. Tokotala na ngonga tozali. Na wangalisa na mambo. Oye ba toza na ngonga ni. Asema uyue ni wakati kanituiko. Mota yedi ngo. hakuna mtu anajua wakati. Ba malaika bajui. Yesu ayemite. Yesu asijui. Monsieur le père qui connaît. Baba ndo anajua. Monsieur qui va étonner. Mais les gens de seconde venue. Bantu asema babo. Connaît les jours du Seigneur. Baba anajua asema babo. On a donné même date. Bana leta na date yenyewe. Oh ya kosaka. Japo yeye ashilandake. Ya kai. Kuku kaye. Bimai. Toka uende mbali naye. Memo koma frena biso. Hata kama uchakuya kundumia. Kama be. Me lakini uriamini mwaya. Bandela. Anzulula. Koyo kasoni ti. Ushishikia ya. Dieu ne peut pas te serrer le Saint-Esprit là il y a les mensonges. Mungu hashiwezi kuvutia muhuri ya Roho Mtakatifu pale peko bongo. Le Saint-Esprit c'est le sceau de Dieu. Roho Mtakatifu. Quand quelqu'un écrit la lettre, il doit mettre le sceau. Et le sceau doit être la lettre que toi-même tu écris. Voici la lettre de Dieu. C'est sa parole. Ce n'est pas l'interprétation. Là que tu as écrit l'interprétation, Dieu ne sera jamais du Saint-Esprit. Mungu hashitiaka muhuri ya Roho Mtakatifu. Toyo kike mota ebiyerete. Tunayua sema akuna mwoto. Yosikoye. Sasa weye. Lukolo yeba ere. Sasa sa hivu nayua. Si tukopesa rezo na Biblia ubye na hivu. Sasa tutakupatia weye rezo au tutakupatia Mungu ni Biblia rezo. Kitisa. Chusha bina. Verset 33. Makumitatu na tatu. Prene garde. Kebeni angi. Veye e priye. Aleluya. Amen. Le Seigneur Jésus, Bwana Yesu, il aime beaucoup ce verbe. Ya napendaka sana hii. Prenez garde, mukebe, veye, mukeshe, et prie. Na muombe. Est-ce que tu prends garde? Sasa wewe unikalao na kesho. Est-ce que tu veilles? Unikalao na kesho. Est-ce que tu pries? Wewe unikalao naomba. Tala nenge église comme vide. Angara vile kanisa na kwa kiwa wasi. Bato bakoya ka dimanche. Bato batoka paka mu dimanche. Experience to komi nango ya boya kaka dimanche. Sasa hii yenyewe onto tunakuwa nayo paka ya kuyaga paka mu yenga. Nani asala yango na Bible? Nani alifanya mu Biblia? Le message du temps de la fin. Ujumbe wakati ya mwisho. C'est retour à la foi apostolique. Ni kurudia ku imani ya mtume. Ni prenons la foi apostolique. Na wakati tunabeba imani ya mtume. Si qui avait accepté la parole? Bale bari chikaka. Ili persévérer. Baranza kudumu dans l'enseignement. Mu mafundisho. Dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, et dans la prière. Na muma ombi. Bon. Yo bonde la kandenge nini. Weye kumbi unaomba kaje. Mutakenda bilanga emo. Muntu arienda kumchuluzi pa mwezi mzima. Kumashamba mwezi mzima. Banda kenda bilanga emo. Tangu arienda kumashamba mwezi mzima. Aposana iglesia. Anasaba na kanisa. Mwishiko kuna bonde la kandenge nini. Sasa ule muntu anaomba ka namna kani. Kwa balobi batomi bale bakozana bilanga. Juba kasema wakati bawili batoka kumashamba mwa. Mwaka kotika. Mwingine atabaki. Abraham akata bilanga. Abraham Job akata bilanga. Job alifanya. Nzambe moka akata bilanga. Mwenye Mungu. Est-ce que tanga Abraham akata bilanga? Sasa wakati Job akata bilanga. Baba ndango ndelate. Est-ce que bakwanza kwa Mungu? Ni Yesu zela Yesu. Sasa wewe kuna mchungu. Yesu zela na monoko. Huko na mchungu na mkinyo. Mtema anaona bilanga. Lakini moyo yako pa kuma shamba. Sasa utabakia. Soyez prêt. Kama muwe tayari. Le Seigneur revient bientôt. Bwana kuna kuja sasa hivi. Mes frères, bandu kiyao. Bozo veyete, amukeshe. Bozo bondelate, amuombe. Mima kambo minene soya. Sachi mambo muyangu fiku nakuta. Boko yeba. Mutajua. Bomoni Biblia yo. Munona hii Biblia. Isaiah bisu. Ni yetu. Pwe prepare bisu. Jui tutayarishe. Toke nena leve. Tuende kumugunyanyi. Soki miso toke. Sasa kama shitu nini. Basaya libino Biblia na Biblia. Na bate mifanchia sasa Biblia yenu. Oya bino basaya na Rome. Ile bate mifanchia mu Rome. Papa si asali publicite na ngu. Papa nesha mifanchia na publicite. Biblia yo. Ile Biblia. Isaiah isu na valeur te selo Vatican. Haina tena. Kufatana na Vatican hii Biblia haina tena na maana. Biso toke. Peo na chunga tu shitu yenu. Aleluya. Amen. Moto koboya Biblia na bangoa. Ule muntu atakatale ile Biblia yabe. Toemite. Atujui. Chef predikate. Ba bubiri. Makambo ba sakoli balobaki. Bale ba ile mambo ile ba bubiri. Makambo ile ma sakola ki. Ile ma minene ba bazi komanda ya. Munaanza kuiona sasa. Ve. Mukeshe. E prie. Na muombe. Jésus a mis ça le verbe. Yesu alielezea mtume anasema mukeshe na muombe. Vous ne tombez pas à la tentation. Jumu shanguke mu majaribu. Le temps de la tentation va venir bien. Wakati ya majaribu itafika. Metala makambo busa. Tusangalia mambo Mungu anafanya. na historia ya Bible. Mwisi hadisi ya Biblia. Izana bandimi moko. Kurukua kaba minifu ba mwye. Boba bandao ya juru ya sabato. Boba ranza kuyaka shiku ya sabato. Iza ba dominike. Ni ba dominiken. Le dominike. Walibe unaita si ba dominike. Boba yaka ka juru ya sabato. Boba na kuyaka paka shiku ya muyenga. Mekura semen. Mujuma mwote. Mbayaka ti. Boba kuyaki. Yoza dominikete. We ya una mtu wa muyenga ule. Pour les vrais zélés, la Bible dit qu'il était assidu au temps. Et frère Franck a le Bible. Ce qui m'a tamponné, c'est Zongi Nenez à la Kinebani. Ce que la mission du message est accomplie. On nous enseigne pour que nous comprenions telle que la chose était au commencement. Et nous ne restons pas seulement dans l'enseignement, mais nous devons vivre. C'est là. Notre vie doit être comme fille au temps des apôtres. Alléluia. Amen. Nous avons l'obé veiller. Et prier. Oui, tala nengo zo veye na era musala. Angara vile wewe unigalao na kesha mtaji. Olali. Usha kuita. Ozo tala mwantu. Ungu na angaria tsa. Ifo na kuwa mana seter na musala. Inafai ni kuwe museter mukaji. Olingine mwele kisa deminiti. Aupenda ta upitishe deminiti. Ozo banga kiba ulongula. Juku nongo paseba takutosha kaji. Sana pasa? Shido vini. Eza la mansenya. Aa ipate kwa mwantu. Eza vino batubosa na shikamini. Au mweba inye muna tumila. Eza na mamai nini. Au mamai nini. Bosa la kapcha nsete. Amu lofaki. Bokiwa makarita rite. Amu indagi ata mukuchelewa. Bozo banga mototi. Amu shimu nongo pa. Bozo banga motre. Mungu nongo pa muntu. Me bozo banga nzambete. Me amu nongo pa mungu. Ina bozo banga nebato. Mungu nongo pa. Bozo banga nzambete. Mwe amu nasabato ya mungu. Amu nongo pa mungu. Bebozo banga bwalongo la bino na mosala. Mungu nongo pa. Bozo banga tebe longo la bino. Na buku ya bomoi. Asema ba bishimu bashimitoshe mumbingo. Mukitabu cha buzima. Bali ni balongo la bina na buku ya bomoi. Munapenda ba mitoshe tu mukitabu cha uzima. A cause ya negligence. Zutu ya kusula. La negligence. Appelle que la malédiction. Kukuna leta tu ni paka ulana. Olali. Unalala. Oe bilo bi interrogation. Unaya sema kesho kwa interrogation. Ojo fuye kaye. Ugu na angalia. Ojo yekola. Mwogu na ugu ugu na ugu na. Fosi ni sa classe. Juu upate kuisha masomo. Non, tu n'as jamais colamuka na butu otanga bibi. Mais au ya ya chaka tu na hamuka ko bushiku njo kusoma biblia. Uzo kenda va? Uku nenda. Poko matsate. Mbere asanje ushubabashi ushilofu. Mais tu es toujours absent dans l'église. Lakini wewe mukaniso nikala pa wakulofu. Est-ce que la bible n'a pas dit? Est-ce que biblia shukuru? N'abandonnez pas vos enseignants. Asema mushiache mukusanyiko yeye. Comme les coutumes des gens. Ça veut dire qu'il s'est la kabingi? Et frère Frank nous a écrit. Na ndugu Frank alituandikia. Un membre de l'église n'a pas le droit de s'absenter. Si tu es loin de l'église de Dieu vivant, tu as péché. Laissez-moi vous dire, frère, tu peux terminer la licence. Tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, n'espérez pas l'avènement. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut venir à l'église, écouter la parole et obéissez. Dieu te donne le Saint-Esprit. Les jours de Pentecôte, les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient dans l'église, dans la prière. Le Saint-Esprit de Saint. Dans la maison de Cornet, il était dans la prière. Le Saint-Esprit de Saint. Dit Amen. Musema Amina. Oya yona école. Sasa wewe kuma. Ya yena mining. Wewe kuma mining. Vous êtes séduit? Na Mungu ba kunyokutongoze. Tuna besoin ya kota. Tukuna tafuta. Tuna besoin to sala. Tunapenda kutai kusema. Mais premièrement, lakini kia kwanza. C'est le royaume de Dieu. Ni ufalme wa Mungu. Bien-aimé. Mbapendo. Kala bato ba ozela Yesu angara bato ba lokoso nazala licenci oh mie mie napenda niko muta sisi classe tifo na baki sa isu doctor mtu mwingine anaisha kazi masomo sema na batawa nozo kende uzo baby sa moto nayo tuzo na science na philosophie philosophie mais bisho tangu toya na igi poto zo afwa tuzo a revelation paro tu vive vie a sainteté tu pate kuishi maisha mpaka batawa ba prevision ya wakati ya mavimbi haleluya amen. Kuna ba kendo yego la kaka ba Socrate. Kule kunenda kufunda paka ba Socrate. Kaka ba David Livingstone. David Livingstone. Ba Stanley. Mais ici, hapa lakini nous parlons de la prédestination. Tuko nasema ya kutambua. Nous parlons de l'éternité. Tuko nasema njoo. Nous parlons de la transformation. Tuko nasema njoo kugeuka. Hallelujah. Amen. Boko vende yangona. Eh, kukesha njoo huko. Oh, il y a consacré. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Si le maître de la maison savait quel veille de la nuit, quel volet va venir, il veillera, il ne laissera pas passer sa maison. Il dit, vous aussi, vous les élus, vous mes disciples, tenez-vous prêts, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Maintenant. Sas. Es-tu prêt? Eh, tayari. Yondo ko pesa na réponse. Ni wanda den pacha jibu. Kitis. Shush. Verset 33. Prenez garde. Mkeshe. Veillez et priez. Mkeshe na muombe. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Sababu mujue ni wakati kani ile wakati tafika. Amen. Amen. Jean verset 35. Verset 35. Eh, 37. Veillez donc. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir. Ou le soir. Et quand nous parlons du soir, nous voyons 18h. 18h moins 10. Moins 10, hein? Donc, tu as déjà 17h50. Dans 10 minutes, il y a. Dans 10 minutes, il y a la couille. Ce qui est à 18h, la Bible dit, cherchez la paix à tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous avez Kimiana Bango? Vous avez Kimiana Bango? Vous avez Kimiana Bango? Vous avez Kimiana Bango? Vous avez Kimiana Bango? Vous avez Kimiana Bango? Vous avez Kimiana Bango? Ce qui était à de Noah arrivera de même. Au moins, il y a des choses qui sont en au moins, il y a des choses qui sont en train de se faire. Mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Amen. Amen. Amen. Amen. Quitte ça, Chucha. Ou au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit d'aujourd'hui, c'est 0 heures. Ni minuit. Ça. Bon, ce qui a eu 0 heures. Ça, c'est comme on a quoi à minuit. Yo, quoi, quel? Poten. T'as mon sang, yon, sous ça. Angara, quasi, yo, téléphone. Totongé, grise, na yo. Tu n'as rien à canisser, na oui. Péotikan. Voici qu'on a expliqué dans nos frères. Si vous sortez au Tikali, comment on a expliqué va payer ou ta facilité va pagano ni. Nous, quand ta réponse, on va faire ça. Oui, mon yéta, t'as dit, ou t'as l'état. T'as là. Angari. Ce qui a battu, va quel lol. Comment va-t-on aller dans ton pays? Au Tikali. Oui, on a baki. La évite. Michi, oui. Mukiri kozana chaleur et tikala. Dunia itakuwa muki moto moya. Saint Esprit longwe na mabele. Rome takatifu inatoka pa duni. E boy nation inatoka ma e ke pa ba juif inenda ku ba yuda. Bino mo ba mona Saint Esprit zanano. Mwe benye mu unaangalia Rome takatifu ingari. Ba criminel ba utangola kana mindoki. Ba jambazi bengari natembea paka na mabunduki. E zana bato bazo lia bato boy ba kati yo ba kata ka ba. Saint Esprit na neza. Rome takatifu yo ingari. Soki Saint Esprit. Sasa kama Rome takatifu anakwenda. Pasteur na bango deja chef net. Eh pasteur wabo ne mnyama. Pasteur na bango za pap. Ye ku ni pap. Ate ya kalo bi l'enfer n'existe pas. Asema no enfer ikalaki. E loko zo bangi sa to sa masumu. C'est l'enfer. Me ya lo ba ki ane pashe. L'enfer n'existe pas. L'enfer n'est pas là. Il y a beaucoup de musulmans. La salle a gagné son bali. Il y a un paradis. Quelle sorte d'évangile, papa? Ni Angile, ni le papa. Mais bisous, mon tote. Bon, la mote. Qui m'a fait? Il y a qui est pas. Il y a lobby. Il y a un sabatote. Enfer est zate. Bon, mon kiné cousin lingin. Ça, ça, Dunia Kumbi. C'est toi qui es intelligent. Réfléchis. Nzambe na bolingo na Mungu mu mapendo ya talaki na tawana yale ngara kama vite danger kosa asema kitana bongi sa bate shikana inapasha ni pereke na Jean 14 kwa bule yeye ni kama bongi sa sika kama mbele ya kengeleza juu kwa metala ba vante yo zo yenza bazo sufri Jezi azo sufri azo bongi sa la place eko na kutayarisha metala ba vante yo zo sa mewe angara ba michezo kunafanya. Amen. Amen. Loba amen. Sema amina. Memo lobi teza verite. Ata kama useme ni kweli. Akokiko yana umidiye delani. Anesu kuu yata mkachikachi ya bushiku. Toyo kalisusu. Tushikie te. Uo chan du kok. Au wakati kuku. O chan du kok se ver 3 heures. Ini muma 3 heures mwe. O lala na rankin. O rilala na jikisira. Jelala ni. Uwi una chunga. Ero no kaka. Ase kuwa cha kokoriko. Jezi payi. Yes, on a couille. Si vous le Seigneur, c'est là, n'a pas de problème. N'a pas de problème. N'a pas de problème. N'a pas de problème. N'a pas de problème. N'a pas de théâtre. N'a pas de théâtre. N'a pas de chaise. Seigneur, j'ai un autre bon salon. N'a pas de problème. N'a pas de problème. N'a pas de problème. N'a pas de problème. N'a pas de problème. N'a pas de Mutala ni mozo cha vino na dawa. Sasa angara tu namna kani unaweka maisha yako muhatari wewe mwenyewe. Mon frère ma sœur. Ndugu yangu dada yangu. Tu réfléchis un peu. Que la semaine ici que Dieu doit nous délivrer. Et que nous prions que Dieu ne vienne pas cette semaine. Parce qu'il viendra comme un voleur. Tu y es quoi ça mouille. Ton message na liloba. Oh liloba ne yeko pike service. Neno yako ndio yule tutengeneza. Ba musuba yawa. Aibite pourquoi yawa. Ashitu hata sana. Ni foye ba toyawa. Il passe tout yoko. Toto yoka toli. Tu pas te changer. Tu se préparer. Tu dit tu riche. To kenne na lolo. Mais mon tango. Dans la koya ko jabisho. Ula atakuwa kutubeba. Ngonga yebaniti. Ashiwe hata wakati. Akokiko ya na popa. Anezu kwa mumanga. Akokiko ya na milieni. Anezu kwa mumimi. Akokipe koya o shandiko. Asema wakati mkuku anawika. Yoka nisusu. Sasa shukia tena. Ule matin. Awa subuhu. Akokipe koya matena 6 heures. Anezu kwa 6 heures. Ero nozolo banakene na maini. Uwasemi na nyende mumaini. Ba moro ba bimu. Ah, ba isi babi babi. Biso peto za chanze. Na shitu na badirika. Mena chanze te. Mimi shi badirika. Senye zela. Buwana, yuchunga kombe. Nasi sanyongu na mosa. Nisho kombele mdendeni kudina. Eko simba. Abita bamba. Swaye prese swa. Mwe tayari mangaribi. bien. Mina penda mufikili. Le sali est individuel. Wokovu ni ya muntu paluaki. Pasteur azawate. Pasteur anapa. Ndenge pasteur azo sala au. Paka hivi pasteur yako natumika. Azo sala binu. Yako natumia. Njamba pesa mission. Mungu alimpatia kazi. E yangu azo kukisa mission. Njamba pesa. Yako natimize le kazi Mungu alimpatia. Je le payera de la manière qu'il a travaillé. Atamulipa kufuatana na vile kazi. Moko na moka kukisa mission njamba pesa. Kila mmoja na yeye atimize kazi. Bafrena nana lingina tali sabino. Banduku mina penda ni mionyeshe. Bapetizi mbosala. Bapire michezo mumu unafanya. Bateya ki ordre de l'église. Barifundisha hapa sawa ya kanisa. Frère a voté qui a voté. C'est vous qui avez voté. Ni moi je m'aurais voté. Lui il a prêché l'ordre. C'est l'église qui a voté les anciens, qui a voté les diacres, qui a voté les administrateurs. Vous avez voté même les jours de kin. Vous avez voté les temps d'adoration. Ce n'est pas ça? Ce n'est pas ça? Amen. Je dois vous montrer. Ça, ça depuis que les diacres sont là, tango bah chemin chibé copain. Bah ça la commence là bas. Ben on a fait un cas hier. Bancier, Baosa Moussa. Badimisate, Baosa Moussa. Bazamine, n'a pas fait un casier. Boyo Moussa Nézan. Ça, ça, oui, Kazia Koué Ninin. Moussa Nézan, Oya Koyo Kaniro. Kazia Koué, ni Kouya Kushkianeno. Est-ce que Yaka chaque jour, la bakit, tu y a pon? Ça, ça, oui, on a Kouya Kashikuyote, ou Bana. Oh, la Bible dit, votre oui soit oui, et non soit non. Ce qui apana, est apana. Ajouté vient dit, mais le balongeza, il n'a tout qu'à quoi chétan. Oyaka mardi. Aouyake mardi. Mercredi, Oyakati. Mercredi, Aouyake. Jeudi, Oyakati. Kazitato, Mukazitano. Oyakati. Mukazitano. Oyakaka, dimanche. Oyo, nakeka paka, muyeng. Yango, yo, votaki. Joyle, wenye, ou votaka, weye. Celui qui se relâche dans son travail, il est l'ami de celui qui détruit. Ce n'est pas ça. Pourquoi vous détruisez l'œuvre de Dieu? Aussi longtemps, Dieu, il a préparé un endroit pour toi. Asa paka na kuisula kwako atakubeba paka hivi. Taba niveau beaucoup. Angara munafashi munamna munakuwa. E bozuli ngako ya negrisite na ampende kwa kukanisa. Ezapo na ba class na bini. Njutu ya makai ya masomo. Bosho sisi class iko sana nzambe ni. Sasa kama unesha masomo Mungu itamfanya. Po ye mwa Yesu ayao. Njuu ye mwenye Yesu alikuwa hapa. Atakota tena class. Ashikuingia tam kwa masomo. Jean-Baptiste Atinda. Yorim Baptiste Atinda. Apata na classe. Ashikuingeta mkamumu. Pasteur aliboso bachaka na Jerusalem. Pasteur wa mkwanza alikuwa kwa Mataka. Yes kwa kuandika tamu. Bato amayele bazaki. Bato yake bazaki. Matia zalaki. Lika zalaki. Mark zalaki. Mark mwenye yake hapo baraza kuandika. Apesa bango ki pastora. Yes kwa pakeku pasteur. Pierre. Yana beba Pierre. Ache pasteur. Anamweka na kwa mpastori. Bonane akipaka ba mayelo goye kolaka geographie na nabaye mbeshangaraga sio fulani ya geographie au nini ya problème na c'est la sagesse ni etima peo za baptême du saint esprit ukwenda baptême ya kubatizwa roho mtakatifu. Alleluia, amina. Bien aimé bapendo, alerte générale hii ni angalisho kalamusho ya bantu bote. Tuzana taya su. Tuko mwakati ya mwisho. Loko vani naoka na kambo. Paka yu na uo ndekala mkambo. Nde tuotango. Lakini nano tuku na televizyo. Biso tuzo muna maka. Tuku naona bintu. Awo zo tala televizyo. Mwe hapa muna angaria ku televizyo. Luko tala ba emisyo yeba nenye mukile kumi. Wenda kukangaria muma emisyo uone vile mudunie inakuya. Bino kuzaba friend nangai na basel. Mwenye muku banduku yangu na badalia. Na kukai kuyawa. Temena ye. Kwezi kuyawa. Pona verti bino. Juni mikalamushe. Pona nkuraje bino. Juni mikankamishe. Veillez donc. Mupase kukesha. Tali sunata ya blagite. Hii atuna tena mwakati ya michezo. Ba profesi ezo kukisa. Ma unabi hiku natimizu. Etikali kankolo aia. Kuna bakia tu mbwana kuhu. Nenye tozolo gana bino boi. Paka hivitu kuna sena mwe hapa. Fre Branham. Duku Branham. Azolo gana aji di ya laudisi. Eko nasema mu. Azolo ba. Anasema. Regardez la Russie. Mwangarieni Russie. A repeté même un chiffre. Arisemulula tama la e nata tozo vika lelo na wakati tuku naishi mwa peyi mwako komo nango Ukraine kuko inchi mwajewa eba ni gele na risi inanza mkozi na risi nesika risi ya mibi misi jo risi ya ni jonesha keba kriso mwaye ba ere tozali mushikie ni wakati kanituiko abimisi force na inyosu anatosha nguvu yake yosu ayemisi ota anaeleja ota se inyero pena lumi ferme vobush inyore pena oya kokot akoye bangarisi mutayomi ayemisi Amerika anaeleza Amerika mekao komona pita tu utawo Bimisi mondoki ya liboso Yana tosa mbele bunduki ya fa Satan de Ile banaita sema Satan de Bola ndanga bien Munifote mzuri Nani aboma mokiyo Ni nani araribisha hii dunia yu Eza Satan Ni Shetani eh Eh Shito vila Risi ya sali Satan ente Na sali Satan de Risi ya sali Satan Oya aboma ka liboso Seniki ya getu le mon Se Satan Ni Shetani mwa kwanza Komi ya le premier Satan Safi kuku Shetani wa kwanza Ni deuxième Satan Ya nakuwa na Shetani wa pili Sikoyo Satan moko. Shetani moko. Aboma moki. Anaribisha dunia. Mesiko soja salide. Asa nafanya wapi. Akonda kisa trua. Akafanya wakati. Akopesa sataka. Aweke na sataka. Akopesa satase. Na sataka. Asa la san sata. Afanya masatan san. Do. Ba instrumawa wana. Nekusema ile mabiombo. Ce sont les instruments destructeurs. Ni mabiombo bia kuharibisha nabi. Apesi ya mokombo ya Satan. Anayipatia jina Shetani. Satan se celui qui détruit le monde. Shetani njoni ule anaharibishaka dunia. Azola kisa yangu. Eko neyoneshe. Uzomo. Mungu naona. Uzo continue kama klasi. Unaendelea paka mamasomo yako. Utika koluka sente suite. Unaacha na kutafuta Roho Mtakatifu. Uzo tungaka kabanda. Uko paka na yenga manyu. Uzo bongisha teke babongisha londa kuna lu. Au utayarisha sema nobe una kutayarisha na wewe. Uzo sala babanti. Au mfumo unafanya michezo. Mimi mkile komi na soup. Lakini dunia ni kama mtu. La kisi. Rishi anaonesha. Ile kapaa. Asema iko tayari watu na bombarder monde. Ya kuweza kubombarder dunia. Ese seke brana maji. Na ndio kile brana marisema. Ennemi ni mosa ya ris. Na ule adui wa kwanza wa Afrika te. Haiko takwa Afrika. Ezali Amerika. Ni Amerika. Boli nga kaka boke na Amerika. Mwumu napita pa kwenye Amerika. Ya muna yemi shaba fren nga boke na Amerika. Mine leza ba fren mwumu mwurenda mwumu. Mwumu zanga sante suite. Mwushiko sante romu takati. Sante ozu sante suite. Kama upate romu takati. Orate alevema. Unakosa kunyamili. Bombi ya ni mosa ya ris. Ile bombi ya kwanza ya ris. Ekopwea nena Amerika. Itenda kuenda kwa mkia mwumu Amerika. E apre eko beta inero. Njoziza inenza kuenda kupika kuhine European. Baba ya kurekipere Israel. Na njua kwa mbele ya kurekipere Israel. Mishi foto za nalolo. Melakini shi inapasa utukua kumbini. Asia lakisi kaza pre. Sasa anesa kutayakunisha siko tayari. Ya kupika sasa. Eske yosyo zui santesvi? Wasa. We usho kupata Roho Mtakatifu. Usho zui bate mono de Jesu. Unesa kupata ubatizo mjina Yesu. Usho bali mwasi na yo. Eske unesa kuleta mari kwa mjua bibia. Uzana onodre na bavuaze. Eske huku muusawa na bavuaze ya kubajirani. Est-ce que j'ai mené vie à sainteté? Et tu connais maisha ya utakaso? Margo yembak. Ata vilo na imbak. Margo teyak. Ata vilo na ubiriak. Ba prêtre pe ba teyak. Ata ba padiri na boba na ubiriak. Jida si pe teyak. Na ta munye jida sa ri ubiriak. Balame pe teyak. Balame na yari ubiriak. Et tu prêt? Et tu utayari. Si Jésus vient, kama Yesu anakuja, le soir, au milieu de la nuit, mkati ya busiku, au chant du coq, wakati ule mate, si sera prêt, à ce qui sera transformé, ou alors tiens, même tu peux mourir, tu seras prêt, à ce qui sera ressuscité, vous aussi, mwena mwye, tenez-vous prêt, mwe tayari, et frère Branham a pêché mis son poli, na lobera kibinu, miri mieleze, lelo, leo, na pêché binu mbote, Niyo ni mpatia tu ni salama. Mi pia rive kalite ya yalelo. Inezu ufika tayo yesu mauvide ya leo. Yesu na ya nakuwa mangari. Aye na butu. Anakuwa kushiku. Aye na ya na tongo. Anakuwa subui. So ndi mina o yesu te. Kama umwamini yesu. Kose la lobite. Ushitunge kesu. Lelo. Jali batisi na kumbu. Beba ubatizo mbine. E grize komilo kole sika ya masamu. Kaniso ya kwa sapa shumwa ya kumbu. E grize. Muntu anakuwa. Atiki bana nandako. Anatoko babatira kalopangu. Zuba chunge nyumba. Do bana bakomi mbwa. Qui peut donner son enfant Saint-Esprit? Hallelujah! Amen. Les départs secrets sont des deux églises. Mwendo wa ghafla na ya siri ya kanisa. Amen. Amen. Paragraphe 112. Paragraphe 112. Nous voyons ce poteau indicateur dans le monde signale que celui-ci est sur le point de subir le jugement. Toujours mon appart partout. Même j'ai un frère Franck, et comme il y a mon col, ajouté sur ta bande, tout à la bande à Kangara, pas comme ma bande à Zaman. Bango Yoba, t'es à Gibino Bashiba, nous n'y basiba comme Mikol. Mais Bandu Ngoyaba, Baricoa, Baracoma, frère moi, Baba comme Mikol. Batou, ça va t'aider, mais ça va comme Mikol. Votre balazou, tu viens de Banacome. Babarie, Baké, Babarie, Vénéve Chakwen. Vous continuez quand la méchanceté? Vous pas en Indalan à Moukoukali. Nous voyons des signes et des prodiges dans l'église. Tukunaona maalama na miujiza mukanisa. Bozomona liteya moko. Mukunaona mubahubiri. Bato bakwena mayi bele. Bantu banaingia tu mahubiri moya, bantu banaingia mumai ba mingi banababatiza. Bomoni partout. Munaona fazi yote. Akamba ikaka basaina moko. Ba baptize ba maladi ba miki bwana ba témoignage. Mugonjo banapona Mungu na mauchu. Nini na ngoba monite? Nini kumbi amuone? Me bo continuer kako vivre dans le mal. Lakini muni endelesa kuishi paka mubaya. Utika kozwa batemo no de Jésus. Unaacha tu kupata ubatizo. Utika likobala mwasi noti. Unakuja tu au ya ubleta mari kwa bibi yako. Ala unachonga kukurudi kwa Bwana. Balobi balobi ozo changer. Mama anasema wao badilike. Do église est comme le col la place moko rien de raconte. Ni kusema kanisa na kwa fashi moyo abantu kukutana tu. Fre, tala ke? Angalia tu. Yozo solo la na papa abotai. We uguna soma una sema na baba. Na papa. Uguna sema na baba. Papa sili sina ote. Baba asia sisi. Wewe unatoka nini? Hizo si ni politesse. Eh jini kukosa heshima. Ndanda zolo bana she. Mungu uguna sema. Asili sina ote. Asia hizo. Bato bazobi mabaka misa. Bantu wanaanza kwenda kwenda mkaji. Ndio misala. Ni kusema kazi. Ele kili lo banza. Inapita ta sauti ya. Oh la Bible ni mettez Dieu en première place. Asimu mweke Mungu bifazi ya kwanza. Tshisekedi ayawa akotini ngiya muikanise yi alinga pesa meeting aseme tu meeting asisi note ashiaisha yo bibi wewe unatoka he la bible di la bible elle c'est l'enseigné de Dieu c'est Dieu qui enseigne Mungu toka nafundisha et Dieu par Mungu okay wewe nini okay nini kota la télévision kwangara télé alléluia amen. Dobato bali suna posa ya lola te. Ni kusema bantu bana tena na amu ya mimi. Posa na bango batanga. Posa na bango basala. Mubafunde batumike. Njamba oloba. Mungu yuko nasema. Asisi na ute. Ayaisha ta. Ayere ta. Nazota la mungu. Meo nangaria kumusikusa. Oh, c'est lui le maître des tailles des circonstances. Wakati mbwana wa wakati na wa unjira. Na komi na chamala le. Mina wako chamala na zoteya. Na tei. Mina ubi. En fraza la kibu. Duko alikuwa paka fili. Ba invita kiye. Bari mwa invita. Ayokini loba. Anasema, anashikia sauti. Achaki, telefone melibu. Alikuwa kwa telefone yake ilikuwa melibu. Ngre. Ile sorti. Anatoka. Moshe, veni, veni. Asima banduku, mkuye, mkuye. Frère, je suis la parole de Dieu. Frère, venez. Il y a un traité d'argent. Il y a fait ça pas. Et il y a ici frère Nani qui a lobi frère. Prédication à moi. Assez, m'oublie rien. Lobi fona zabate. Mie ni kufoi baké fier. Ba beningai. Baninita. Abimiak. Anatoka. Ba sali copie na bangobi. Ba nafanya copie bien. Et dans son retour. Mukurudia kwaki. Ajaki 610 dollars. Arpata 610 dollars. Comme il en a qu'on a 21 heures. Anakoa kumi. Analali bien. Analala tumzuri. Vers 4 heures du matin. 4 heures du matin. Mali les bandits. Bari dina. Fièvre. 5 heures juste. 5 et comme ma cache. Il n'a pas même un hôpital. Bane pelega vers 5h37. 5h37. Akouf. Anakouf. C'est Dieu qui est le maître des temps. Ni et de ce wakati na majira. Mettez Dieu en première place. Mweke Mungu mfazi ya kwanza. Tato komi frère. Ba kutolo unakuya nduku. Misale zo kangam. Ma wakati masai kuna. Classe kuna kangam. Kuna bambana. Masai kuna bambana. Mbele ya we kufunza. Ikuza terrible. Itakuwa nguvu. Asi alobi clair. Hier c'est chose ça. Nzamba sala ba erreur. Mungu ashifanyake. Yende papa iko corriger ba erreur yangu. Yeye ula nasema sema wewe Mungu anakuwa. Etanga zolo ba boye. Na yeye pale anasema. Tule president du monde. Ba chef bo ba. Ba yoke la kaye. Ba namfuata. Bo moni mikolo ba lobi bo sambela te. Muna yeye wakati ba sema kumi na ba mask. Mushiombe mwe mtakatifu. Bakamati ba igizo. Ba nafunga mali nani. Kiaji. Nani alitendaka? Bozera Bible wana mchunge tu ile Bible na ba pays pale tu itengia ba president ba kwenkoze ba president ba tous les politiciens ce sont des francs-maçons bote ni ba francs-maçons ba bwebi ere tokomi munaona sasa wakati tunafika izai suta ya kusablaji aina tena wakati wa ya papa zate oh papa mama te oh mama le sali et individu wokovu ni ya mtu moko na moka za kuzi kila mmoja kwa nafasi yake luka premierement sainte suite tafuta kwanza roho mtakatifu sio jina ubatemi te soye batizi au ya batiziwa ubatizi basi nye za part ma alama iko fazi yote ndio vitu zake na lungu ngashi predication moko pinde 387 donc 84 personnes va yena che me bato balanda kina bato bazoya kona kutaisha ke bana nzamu juu ya kusema batoto ya epoki wakati nafika soke mwana kivi no mabe kama unaona sema isha bando ndimo shanza kate bandela ranzulula soya songa ce soir ukolewe imangaribi tozaki na mama moko kana chamala de pasteur na utiko teya mina uisha ya ki aza paralysia kwa babo ya kar kwa paralysia epana pasteur ado pasteur ado ni cette sœur là ule dada ule elle avait crié à dinanga ari uaminyaka kutu alumbumbashi mushimai et en arrivant à Lumbumbashi il a abandonné la parole plus de dizaines des années elle est devenue chère mais ce jour là quand on a prêché la sœur en écouta dit cette fois-ci je dois recommencer et commencer à pleurer et commencer à pleurer on l'a rebaptisé c'était jour de jeudi nous sommes arrivés vendredi nous sommes arrivés samedi dimanche et le matin de lundi, la sœur en bonne santé, elle a piqué Christ, elle est morte. Regardez les choses de Dieu. En retournant dans la foi, Dieu l'a retiré. Mais ma belle sœur, son fils en bas, au Kobongo, la montée maka. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, pour terminer, écoutez le conseil du prophète. Mushikie shauri le départ, on a eu tout le temps. Il y a un peu frère, joie, misala, nayo, okabola, nata, yanzambe, kwa na bolamu nayo. Beba kaji yako. Joie, vina yo, examine. Otia yango, not. Beba, maisha yako. Bientôt, Jésus revient. Soyez prêt. Il viendra comme un voleur. Il peut venir le soir. Il peut venir au milieu de la nuit. Au champ du coq. Ou le matin. Et s'il vient. Es-tu prêt? Es-tu tayari? Quand il viendra prendre le sein, quand tu vas partir, regardez la vie que tu mènes. Si Jésus vient le soir, tu vas partir. Tu as déjà réglé votre problème? Est-ce que tu as déjà crié au Seigneur? Est-ce que tu es baptisé? Jésus revient bientôt. Il viendra comme un voleur. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Il n'a jamais menti. Examinez-vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mikosate, kokosamate, mitala. Yesu azoya. Yesu kona kuya sasa hivi. Azoya na sale. Yeko na kuya na maripo. Topesa moto na moto. Uletea kila misala na maripo yake. Misala nino zosa. Sasa ni kazi kani kunafanya. Kitisa, shusha. Le départ secret et soudain de l'église. Mwendo ya siri na ya ghafla ya kanisa. 12 octobre 1958. Paragraphe 112. Nous voyons ces poteaux indicateurs dans le monde. Tukunaona hii ubao ya kuonyesha mudunia. Signalant que celui-ci est sur le point de subir les jugements. Le monde sera jugé. Quand parle de la grande tribulation, c'est le jugement de ce monde. Et avant ce jour-là, nous devons quitter pour aller au ciel. Et quel genre de personne que vous êtes là? Quel état présent de votre âme? Nous voyons des signes et des prodiges dans l'église. Amen. Amen. Aussi si classe bien. Les parents réjouis. Est-ce que tu peux dire comment tu as terminé les études? Malgré on a réjoui. Malgré on a mis des poudres. La façon que tu as reçu le diplôme, c'était la parole? Ce n'est pas toi qui as cédé le corps avec un professeur. Le professeur dit, il y avait des passifs, il faut céder. Tu n'as pas cédé. Et tu as un diplôme de pite. Tu attends le retour du Seigneur. Tu dois se repentir. Jésus revient bientôt. Tu es la postérité d'Abraham. Tu vas rester. On te voit comme une vierge, mais tu es des vergers. Tu commences à chercher des pots des arbres. Quand Dieu t'a créé avec la virginité, toi tu vas consulter le féticheur. Répands-toi. Jésus revient bientôt. Arrange ta vie, mon frère. C'est pas toi qui as donné la grossesse. Vous avez élevé combien d'enfants? Et le sang de ces enfants crie encore. Si le sang d'Abel crie, la grossesse que vous avez élevée, pour craindre les parents, pour craindre les pasteurs, le sang crie encore. Jésus a besoin de toi. Tu dois croire pour que la colère de Dieu soit ôtée en toi. Es-tu prêt? Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Soyez prêt. Le Seigneur revient bientôt. Mon frère, ma soeur, Jésus revient. Soyez prêt. Amen. Amen. Amen. Amen. Qui dit ça? Chusha. Des grandes choses qui sont en train de se passer. Quel genre de personne devrions-nous être? Frère Branham Atun, le col à ton monima camoyanson, Tokozala Batonengeni, ou Sengetozal, pour Akokikoyan Angongo, qui dit ça? Des personnes prêtes en ce moment même. Batoye Bazan prêt les lots, Naina na lobby aux amours Christ. Mimi na sema. Est-ce que Nzamba yebi? Est-ce que Yemungu yanasema vi? Qui dit ça? Chusha. Car nous ne savons pas quand il vient. Kwa sababu hatujui ni saka nyatakuya. Soyez prêts, vous aussi, car vous ne savez pas à quelle minute ou quelle heure votre Seigneur viendra. Vous aimez le message? Vous aussi, tenez-vous prêts. Vous ne savez pas quel jour viendra. Soyez prêts maintenant. Bon, maintenant. Est-ce que tu peux arranger ta vie? Si tu n'es pas baptisé, sortez toi-même ici. Soyez baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Seigneur. C'est la promesse que Dieu a donnée pour les Juifs, pour ses enfants et à tout ce que le Seigneur Dieu l'appellera quoi ce soir. Si tu as des problèmes avec qui ton mari, allez arranger ma sœur. Ne dormez pas avec la haine. N'attendez pas que le passé vienne. Le vrai passé, c'est le Seigneur. Si tu as des problèmes avec ta femme, cherchez la paix à tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu n'as pas encore marié, allez vendre ta maison, allez vendre ton vécu, marier ta femme. D'être avec les choses du monde et de manquer le Seigneur. Bo péché wa nani akozo sasa ile manzambi ile ni nani ataibeba tokotela mami tushimame gloire gloire alléluia alléluia gloire gloire alléluia amen gloire alléluia. Chaque chose a son temps. Kila kitu na wakati yake. Celui qui a parlé, ularisema, il n'a jamais menti. Aya silandaka. Il dit que la vérité. Anasema kapaka ukweli. Il dit veillez donc. Anasema kumbi mukeshe. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Sababu mujui wakati kani. Et ça c'est la vérité absolue. Na hii ni ukweli kamilifu. Chassez-le bien. Mouijoui. Si le maître de la maison mouini, savait quel est de la maison, un voleur doit venir, il ne peut pas dormir. Il doit veiller pour que le voleur ne peut apercer sa maison. Et le Seigneur dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme, il viendra au jour que vous ne le pensez. Il a dit, allez partout, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mon frère, ma soeur, si c'est Jésus qui a dit ça, pourquoi tu ne veux pas être baptisé? Est-ce que tu peux aller au ciel sans obéir la parole de Dieu? Si Jésus, fils de Dieu, l'homme qui n'a pas péché, il a commencé par les baptêmes. Et il a dit à Jean, laissez tout accompli, toute la justice. Et pourquoi pas toi? Examinez-vous-même. Il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et après, il y aura la fin. Et tu déjà écouté. Qui peut donner sa vie ce soir? Être prêt, être baptisé au nom de Jésus. La dénomination ne sauve pas.